À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, l'agence de presse et les radios cambodgiennes ont rapporté les 12 et 13 courants, la portée historique de la libération de la patrie. L'agence de presse AKPI, les radios nationales et FM 90,5 ont indiqué comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung a conduit à la victoire la lutte armée anti-japonaise de 15 ans et a libéré la Corée. Après la libération, il a fondé tout d'abord le Parti du Travail de Corée. La Corée a maintenu les principes du jeté sur le plan de la pensée, de la souveraineté politique, de l'indépendance économique et de l'autodéfense en matière de sécurité nationale et a donné la priorité aux affaires militaires. Alors, elle est devenue un État socialiste invincible.